Marc Bergevin qui a été confirmé dans ses fonctions aujourd'hui. Comment tu trouves ça? C'était pas vraiment surprenant. Dès le départ, quand on pensait que, tant que la semaine passée, on a vu de la vidéo sur le site du Canadien, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Non, il n'y a pas de surprise là-dessus. M. Molson encore confiance à Marc Bergevin. Il a promis des changements. Il a dit que tout le monde va être vérifié, tout le monde va être ausculté pour vérifier un peu si les gens sont à la bonne place. La majorité du personnel qui est en place ont été engagés par Marc Bergevin, donc c'est ses hommes à lui. Maintenant, il devra répondre devant Jeff Molson des gestes qu'il a posés en disant « Lui, es-tu à la bonne place? Es-tu dans la bonne chaise? Es-tu une déception? » Est-ce que c'est la bonne personne? J'ai hâte de voir tous les changements qu'il va apporter. Il est sûr qu'on ne pourra pas changer l'instructeur parce qu'il y a un contrat de 4 ans ou 5 ans en main à quelques millions de dollars par année. Je ne penserais pas. Mais est-ce qu'il y aura du changement derrière le banc? Moi, je pense qu'il va y avoir du changement au niveau des instructeurs derrière le banc. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Est-ce qu'il y aura des gens clés également au niveau de l'organisation à Laval? Moi, je pense que là également, il va y avoir des changements parce que les résultats ne sont pas là. Donc, mais ça ne fait pas qu'on a un meilleur club, ça ne fait pas que le Canadien a nécessairement des meilleurs joueurs dans ses filiales, là. Je pense que c'est plus que ça. Maintenant, quelle sera la réaction du Canadien au niveau des joueurs autonomes, marché des joueurs et tout, le repêchage, quelles sont les décisions? Marc Bergevin a un choix de première ronde, 4 choix de 2. Quelles sont ses décisions que prendra-t-il? De quelle façon va-t-il travailler? C'est tous des dossiers au moment où on se parle que pas beaucoup de réponses, mais Marc Bergevin devra amener des réponses, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Phil, concernant le changement à Laval, moi, écoute, je pense que tu es d'accord avec moi que ça prend un changement. Ah, il n'y a aucun doute là-dessus, là. Écoute, après ça, au niveau du recrutement et du développement, c'est là que tout part de là, Phil, une équipe gagnante, puis ça a été montré, archi montré, quand il y avait des changements à apporter là. Que tes jeunes joueurs soient bien entourés pour se développer de façon importante. Est-ce qu'il réussira à Laval à avoir trouver un instructeur? Moi, je pense qu'il y en a. Au Québec, il y en a plein au Québec. Il y en a deux au Québec actuellement. Je pense que Dominique Ducharme et Joël Bouchard démontrent de belles aptitudes. Ils ont dirigé l'équipe du Canada junior à des beaux succès. C'est des gars qui connaissent du succès avec leur équipe junior. Je pense que ça s'éclaire de ce côté-là. Est-ce qu'ils sont prêts de l'organisation du Canadien? Est-ce que Bergevin est prêt de ces gens-là? J'ai aucune idée, mais je sais une chose, c'est qu'on doit amener des changements à Laval, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Les joueurs qui vont là ne progressent pas. C'est clair qu'on ne donne pas les résultats escomptés. Je pense que ça, ça prend pas un spécialiste en hockey pour s'apercevoir que, écoute, les 4 dernières années, on n'a pas fait des séries à Laval. Là. Ouais. Il y a sûrement un problème à quelque part, là. Donc, on peut aimer Sylvain Lefebvre comme individu, mais ça prend plus que ça, ça prend des résultats. Et malheureusement, les résultats ne sont pas là. C'est vrai que cette année, le Rocket a quand même eu plusieurs joueurs mais qui ont monté à Montréal, mais il n'y a pas ça. Dans la Ligue américaine, ça marche de même. Ah oui, écoute, c'est les filiales, c'est les joueurs où on doit leur montrer comment fonctionner, comment apprendre à vivre chez les professionnels, comment progresser. Moi, je pense que c'est son rôle à lui, mais ça prend quand même des résultats. Exemple, à Laval, avec un aréna de 10 000 personnes, on doit mettre du monde dans la cabane. C'est pas avec des séries de 4, 5, 6 revers d'affilée. Première année, ça va bien, là. Il n'y a aucun doute. C'est facile. Pour une raison, c'est une nouveauté. Mais l'an prochain, la nouveauté est passée, là. Il faut avoir des résultats. Je pense que là, une équipe de la ligne américaine qui n'a pas de résultats, et deux, qui ne forment pas des jeunes avec ce qu'on appelle des résultats négatifs. Maintenant, quand un club perd sans arrêt, il arrive quoi, tu penses? C'est pas très, très, très, très intéressant pour ces jeunes-là de progresser dans une organisation qui n'a jamais de résultats positifs. Donc, moi, je pense qu'on doit faire des changements à Laval pour amener un esprit qui est meilleur. Quand tu arrives dans la Ligue nationale, puis t'as joué pendant 3 ans dans un club de la Ligue américaine qui n'a jamais rien gagné, qui a toujours été du côté négatif, et quand tu ne gagnes pas, ça s'installe. L'esprit de dire que ah, c'est pas grave, on fait une job, on est payé, mais ça prend plus que ça, là. Ouais. Quand il y a un effet d'engouement, tu gagnes, l'équipe progresse, on va au championnat, on prend de l'expérience, si les choses sont positives, on le voit avec Tampa Bay, leur filiale d'année en année connaît du succès, ils arrivent quoi, tu penses? Ils arrivent à la Ligue nationale, ils sont prêts à bien performer puis à jouer avec des équipes gagnantes. C'est pas le cas chez le Canadien de Montréal actuellement. Ah non, regarde, ça prend quelque changement. Danny Dubé, s'est passé à la radio, a mentionné que le Canadien doit échanger son premier choix. Tu es d'accord avec ça? Moi, je dis que non. Ça prend une reconstruction, puis il faut vraiment, tu sais, peu importe qui. Ouais. Ça dépend. Si demain matin, le Canadien annonce qu'ils ont signé, exemple, un joueur important comme joueur autonome, John Tavares, exemple. Si tu lui donnes pas un ou deux joueurs pour bien l'entourer, Tavares, ça ne donne rien de le signer de 4-5 ans. Là. Ça ne marchera pas plus. À ce moment-là, il faut que tu ailles chercher des joueurs pour bien l'entourer, pour dire bien performer. Deux, vous savez comme moi que les joueurs clés chez le Canadien, c'est Price et Weber. Ouais. Ces gens-là sont au fait de leur carrière, au le meilleur. Donc, dans 4-5 ans, il va être trop tard pour penser à ça. Est-ce qu'on doit y aller de ce côté-là en disant on échange, on va chercher un joueur clé pour faire progresser ce club-là. T'sais, le Canadien est condamné à gagner aussi. Quelque chose, il faut regarder ça. Là. Le Canadien à Montréal, c'est pas comme un club qui est en bas de fond de classement pendant 4 ans, ben, le monde accepte ça. Là. À Montréal, on n'accepte pas ça. Là. À Montréal, il faut gagner, il faut performer, il faut être parmi les meilleurs. Malheureusement, c'est pas le cas cette année. Donc, à ce moment-là, il arrive quoi, tu penses? Là, le Canadien doit prendre des décisions. Est-ce qu'il y a 4 choix de deuxième ronde? S'il est capable, il pense, avec ses 4 choix de deuxième ronde, d'être capable d'aller chercher des éléments pour son club femme qui vont progresser avec les nombres d'années, peut-être que son premier choix vaut une valeur extraordinaire. Mais ça dépend quel choix tu repêches. Si le Canadien, dans le bouillier, réussit à se faufiler parmi les 3 ou 4 meilleurs clubs, il y a un choix important. S'il est rendu 9e, le choix est probablement moins important rendu à 9 que dans les 4 premiers. Là. Ben c'est oui. un peu ça pour garder. Là. Je pense que c'est important pour le Canadien à ce moment-là. Okay. Phil, on se reparle vendredi prochain. Merci. Comment t'as demandé de Phil